Pendant les régates de Saint-Félicien, l'endroit où il faut aller, c'est au Mets Chinois, au 1005 boulevard Sacré-Cœur. Buffet à volonté, servi avec le sourire par un personnel courtois et serviable. Les propriétaires Laval Ouellette et Stevenot souhaitent un franc succès aux organisateurs des régates de Saint-Félicien et souhaitent la bienvenue aux différents touristes dans notre secteur. Au Mets Chinois, Saint-Félicien, 418-679-3339. Pendant la belle saison, il arrive parfois des avaries comme l'infiltration d'eau à la maison ou ailleurs. Pour tous travaux de rénovation ou construction après sinistre, faites confiance à ProNet, communément appelé GUS. De vrais spécialistes dans le domaine. Plusieurs véhicules d'urgence, 24 heures sur 24. Nettoyeurs d'échangeurs d'air et aussi de conduites de ventilation. Pour nous rejoindre, contactez le 418-679-4178. Monsieur Régent Côté et son personnel souhaitent la meilleure des chances aux participants des régates. Je suis vraiment content pour lui, mais honnêtement, j'avais des doutes suite à ses blessures. Quoi qu'il en soit, Shane Gauthier a vraiment fait écarquiller les yeux puisqu'on a libéré des joueurs pour lui faire place. C'est ce que nous disait Pierre-Gabriel Turgeon de Radio-Canada Winnipeg hier. Sans avoir joué un match, il a impressionné la direction des Bombers. On lui parle. Salut Shane! Félicitations en passant, hein? Vraiment là. Honnêtement, moi je m'attendais à l'équipe d'entraînement suite au camp d'entraînement suite à tes blessures. J'ai dit, ils vont lui faire commencer l'année sur l'équipe d'entraînement, puis on pourrait le voir durant la saison. Mais t'as fait l'équipe, c'est vraiment surprenant. Est-ce que t'es surpris d'abord de toi-même? Un petit peu, mais je pense que lorsque j'ai eu l'opportunité de me faire valoir, j'ai réussi à sauter sur l'occasion, puis j'ai démontré des choses que les entraîneurs aimaient. Fait que je pense que c'est pour ça la principale raison pourquoi ils m'ont gardé sur l'équipe. OK. Là, tu as confirmé que tu vas jouer demain soir, c'est ça? Ouais. OK. Sur les unités spéciales. Est-ce que Mike Auger, tu as confirmé que c'est une unité spéciale ou comme secondaire? Non, sur l'unité spéciale. OK, sur l'unité spéciale. Tu as pratiqué là-dessus beaucoup? Oui, toute la semaine, c'est plus là-dessus que la majeure partie de mon travail a lieu. Lors des entraînements, c'est beaucoup là-dessus que je m'en OK. Shane, Pierre-Gabriel Turgeon, notre collaborateur à Winnipeg qui suit les activités des Bombers pour Radio-Canada Winnipeg, me mentionnait qu'ils ont libéré Jack Roush et il a été surpris un peu. Ça démontre toute la confiance que les Bombers ont. Oui, c'est certain, mais au final, c'est eux qui décident qu'est-ce qui se passe, que ça aurait pu être n'importe qui, ça aurait pu être moi, mais au final, j'ai réussi à montrer quelque chose qu'il aimait sur certaines mains. OK. Est-ce que, jusqu'à maintenant, là, t'as pratiqué avec l'équipe, t'avais pas pratiqué aucun entraînement, t'avais pratiqué avec des recrues, mais là, t'es avec des équipes, j'imagine qu'il y a une grosse différence, là ta voix, la différence, là. Oui, c'est certain que la vitesse de jeu est plus rapide, mais je suis quelqu'un qui s'adapte rapidement à la vitesse de jeu. Je m'adapte bien au niveau. Puis non, ça a bien été de tous les niveaux à ce côté-là. J'ai pas vraiment de problème. OK. Jouer contre les Alouettes demain, est-ce que c'est particulier? C'est particulier un petit peu à cause que c'est l'équipe que j'ai suivie un petit peu de ma jeunesse. Mais je connais tellement de gens à cette heure à travers la ligue que n'importe quelle équipe, ça fait pas vraiment de différence. OK, OK. Shane, la joie d'être un professionnel, ça doit. On voit la différence, hein, j'imagine. Il y a des vétérans, il y a également des joueurs, ça fait quelques années qu'on joue, on est dans les installations des Bombers, c'est plus professionnel. Est-ce que tu vois une grosse différence à ce point-là? Oui, c'est professionnel. Oui. Mais je pense que l'Université Laval nous prépare bien à cette éventualité, cette réalité-là, en fait. J'ai été bien préparé, je suis pas dépaysé tant que ça, j'ai réussi bien à m'adapter, puis j'ai été bien préparé pour ça, fait que tout va bien à travers dans le vestiaire, les entraînements, le cahier de jeu, tout est sous contrôle. OK. Est-ce qu'il y a une pression à Winnipeg cette année? Parce que notre collaborateur d'aujourd'hui disait qu'il y a une pression cette année de faire les séries éliminatoires et de bien figurer. Est-ce qu'on sent la pression auprès des partisans et auprès des joueurs? Non. La pression, en fait, on la voit pas vraiment, mais oui, étant donné que c'est les partisans, c'est la communauté qui est l'équipe appartient à la communauté, ils ont beaucoup d'attentes envers nous. Puis oui, les partisans sont derrière nous, ils nous supportent, mais je pense qu'ils ont des grosses attentes cette année. L'année passée, ils ont fini avec une moins bonne fiche, mais il y a beaucoup de matchs qui se sont perdus en bas de 3 points. Mm. Fait que je pense que cette année, on va être capable de réajuster ça puis d'être en mesure de faire les séries. La dernière fois qu'on s'est parlé, tu me disais que tu vivais sur le campus de l'Université à Winnipeg. Est-ce que là, maintenant, tu as eu la confirmation que tu allais jouer ou que tu allais faire l'équipe? Est-ce que tu as demandé de te prendre un appartement? C'est certain, étant donné que je suis une recrue, j'ai un plus long délai. Okay. Pour des résidences, il faut que je sois sorti pour le 1er juillet. Mais présentement, mon appartement, je l'ai déjà trouvé. Il me reste seulement qu'à acheter quelques trucs pour mettre dedans. Mais je suis pas loin du stade, puis c'est déjà réglé. Il me reste seulement à faire brancher le corps, l'Internet, puis correct. C'est loin de Sainte Marguerite-Marie, hein? Hey, Shane, dernière question. Winnipeg, c'est-tu vrai que c'est une ville si endormante que ça et si triste que ça? Ben, en fait, j'ai pas vraiment le temps de sortir de l'environnement du stade. Okay. J'ai été pendant le temps, on est très occupé, on n'a pas vraiment le temps d'aller se promener. Je vais découvrir la ville dans les prochaines semaines. Donc je vais peut-être être plus en mesure de pouvoir dire qu'est-ce qu'il y a à faire un petit peu ici. Présentement, j'ai rien à dire. OK. Pachin, bravo. Félicitations. C'est vraiment une belle fierté. Là, on va pouvoir voir le match de ce soir à RDS. Et on se reparle au courant de la saison. Shane Gauthier de Dolbeau-Missassini qui va porter les couleurs des Bombers de Winnipeg.